Sur maman. Ma chao. Vas-y. Un, deux. Et on est au studio d'enregistrement. Histoire sur mémé. Ma mère me racontait souvent que quand elle était petite, quand il y avait du monde dans la cour de la petite maison d'Aubervilliers, les bancs étaient tirés, un adulte, son père le plus souvent, adressait ses mots à l'assemblée. « Machao !» On répondait « Ao !» et l'histoire commençait. Pour aller chez ma grand-mère, on partait en voiture. De banlieue à banlieue, personne ne veut se taper 2 heures de bus. Je me souviens de l'A86 et des tacs d'autoroute. J'y allais toujours avec ma mère. Nous allions lui rendre visite dans son appartement HLM en banlieue de Seine-Saint-Denis. J'ai fait mes premiers trajets en tant que conductrice sur ce trajet. Parce que quand on est banlieusard, on se pose pas vraiment la question de si on va passer le permis. On y est plus ou moins contraint. En général, on commençait par aller voir mémé. Puis au choix, on allait voir une autre de mes tantes qui habitait toutes dans le 93. Quand j'étais adolescente, ma grand-mère plaisantait souvent sur son autonomie et qu'elle voulait aussi passer son permis de conduire pour conduire une petite camionnette. À plus de 70 ans et aveugle, ça nous faisait beaucoup rire. Quand elle est morte, j'ai rêvé d'elle, riant sur une trottinette, et je me suis dit qu'elle avait retrouvé son autonomie. L'appartement de ma grand-mère était situé au premier étage. 9 fois sur 10, ma mère oubliait le code d'entrée et il fallait envoyer un texto à ma tante. Ensuite, on frappait à la porte de chez mémé, au premier étage gauche. On attendait qu'elle vienne nous ouvrir, le pas lent. On entendait l'énorme trousseau de clés tourner. Et on voyait la petite vieille, tassée, la canne dans sa main, aux doigts repliés par l'arthrose. Elle ne portait pas de robe du bled, plutôt des jupes longues qui lui remontaient presque sous les aisselles. Ma mémé, elle s'habillait à la française. Elle ressemblait à tous les autres petits vieux avec un petit fichu en plus sur la tête. Il chante des fois dans sa salle de bain. Il adore chanter. Ma grand-mère est née en Algérie au début du siècle dernier. Elle a eu 11 enfants, dont un est mort en Algérie dans l'enfance. Elle ne nous a rien laissé d'autre que des histoires racontées au fil des après-midi passées chez elle. Celle-là, c'est l'histoire d'une après-midi passée à l'écouter et à me demander, moi aussi, est-ce que quand je serai vieille, j'aurai les cheveux teints ou aînés ? Et est-ce que j'aurai une famille à qui me raconter ? Attends, je raccroche.